Raconte-moi toutes tes espérances de la vie pour demain. Quelles sont la coudure et les chances qui tracent ton destin? Et les prières de tes croyances qui protègent les tiens. Parle-moi de tes confidences, me cache rien, montre-moi combien tu penses à moi, combien je compte pour toi. Je veux que tu sois sous de moi, être ton ombre, ta lumière, que tu sois sûr de tes choix. Même dans les galères, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, sans retour en arrière, sans retour en arrière. Quels sont tes souvenirs d'enfance, tes premiers pas qui ont fait ton adolescence et la femme que je vois? Sensible, trop souciante, ça me fait peur parfois. Impossible quand j'y pense, si fragile à la fois. Est-ce là pour te défendre avant même le combat? Éviter ainsi les souffrances d'un cœur qui bat. Je veux que tu sois sous de moi, être ton ombre et ta lumière, que tu sois sûr. Tu sois sous